On the 15th of March, the collective opposed to police brutality was organizing a demonstration to protest against all forms of police violence at the corner of Berry and Ontario, where the itinerant Alain Magloire was killed by the SPVM 2 years ago. The demonstration was declared illegal after 5 minutes because of the P6 municipal bylaw. A dispersion order was given by the police, but around 80 militants were trapped and arrested. It was a real demonstration of power by the SPVM, and independent journalists were contained out of the scene. CKUT News Collective was at the press conference in French, where Jennifer from the COPB and Francis Dupuy-Derry, researcher at UQAM and leader of the Commission Populaire sur la Répression Politique, explain in detail how this day went through. Okay, bonjour, je m'appelle Jennifer, je fais partie du collectif opposé à la brutalité policière. Donc, je vais vous parler un peu de notre manifestation de dimanche. C'était la 19e journée internationale contre la brutalité policière. En 2012, 2013, 2014, il y a eu des arrestations de masse le 15 mars en vertu de P6. Et puis, cette année, 5 jours avant le 15 mars, le porte-parole de la SPVM, Yann Lafrenière, a déclaré la manifestation du 15 mars du COBP illégale en vertu de P6, article 2.1, donc pour ne pas avoir fourni l'itinéraire. Or, le COBP, on avait collé un rassemblement, donc un rassemblement, on n'a pas d'itinéraire à fournir. Rendu le dimanche, au début du rassemblement, on n'était pas dans la rue, on occupait la chaussée, on était sur le trottoir et le camion flûte du SPVM a annoncé que notre manifestation était illégale en vertu de P6 2.1. On a décidé quand même de prendre la rue. On a réussi à manifester peut-être 5 minutes. On a fait un demi-coin de rue et on s'est fait emboîter dans le tunnel. Encore là, au mégaphone du SPVM, ils ont dit qu'on allait être arrêté en vertu du règlement P6 et qu'il fallait qu'on se disperse. Mais malheureusement, on était déjà emboîté et c'est là qu'il y a eu des lacunes au niveau du service de police de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on a fini avec 92 contraventions en vertu du Code de la sécurité routière 500.1. Parce que, en fait, avec P6, il faut que tu donnes la chance, la possibilité aux manifestants, manifestantes de se disperser. Et ça n'a pas été le cas le 15 mars cette année. Ils nous ont pas laissé nous disperser. Donc, c'est pour ça qu'on a été finalement arrêtés en vertu de 500.1. Le ticket était de 504 $. Au début, la SPVM était censée nous isoler sur la rue Saint-Hubert et Sherbrooke pour nous mettre en souricière, mais encore là, il y a eu des lacunes au niveau de la communication entre les services de police et finalement, ils nous ont isolés coin Berry, Ontario, à la vue de tous et de toutes. Finalement, pour terminer, j'ai fait passer un document beaucoup avec dans la pochette pour les médias. C'est un document de 5 pages que le COBP a réalisé. Il y a à peu près 6 mois, c'est la liste de toutes les manifestations réparties entre début 2013 et milieu 2014 sur le nombre de manifestations qui ont fourni l'itinéraire ou qui n'ont pas fourni l'itinéraire, qui ont été tolérées. Puis les chiffres, c'est assez flagrant. Les manifestations qui n'ont pas donné leur itinéraire et qui ont été tolérées, c'est un nombre de 69. Les manifestations qui ont donné leur itinéraire et qui ont été tolérées est le nombre de 26. Et les manifestations qui n'ont pas donné leur itinéraire et qui ont été réprimées est du nombre de 19. Et cette dernière partie, ça inclut beaucoup 3 groupes. Donc, le COBP, la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes et l'AC. Donc, je pense que ce document-là prouve très bien le profilage politique. Donc, il ne faut pas baisser les bras. PC, c'est en train de s'essouffler. On ne va pas lâcher le morceau. Merci. Quelques mots très rapidement sur le 15 mars, donc dimanche. Très intéressant de voir que suite au jugement du juge Richemont, probablement, en fait, ils ont décidé d'utiliser l'article 500.1. Mais je tiens à vous faire remarquer que dans les déclarations publiques de Yann Lafrenière avant le 15 mars, dans les communications par haut-parleurs aux manifestants et aux manifestantes et sur leur compte Twitter pendant la manifestation même, le SPVM ne parlait que de P6, en fait. Il nous annonçait que la manifestation était illégale en raison de P6, qu'elle allait être illégale en raison de P6, qu'elle était illégale en raison de P6, et qu'en raison de P6, il fallait qu'on se disperse Et pourtant, quand les contraventions ont été émises, c'est 500 points. Donc, il semble y avoir encore une confusion dans la police quant à l'interprétation de la loi et quelle loi utiliser. Pour le 15 mars, ce 15 mars-ci, en fait, dimanche dernier, est presque une expérience de laboratoire pour démontrer le profilage politique. C'était vraiment extraordinaire. Vous aviez donc la manifestation du collectif opposé à la brutalité policière au coin de Berry et Ontario, là où Alain Magloire a été assassiné il y a 2 ans, l'itinérant Alain Magloire. Et donc, pour ce rassemblement, il y avait, comme d'habitude, l'hélicoptère, des centaines de policiers, la cavalerie, les unités anti-émeutes, etc. L'encerclement était déjà prévu. En fait, ça a été une question de quelques mètres, et puis tout le monde a été encerclé. Au même moment, il y avait une autre manifestation contre la brutalité policière, qui était la manif féministe contre la brutalité policière, à laquelle j'étais. C'était au même moment, c'était au Carré Philippe. Le point de rassemblement était au Carré Philippe. C'était une manifestation annoncée sur les réseaux sociaux, par trac, etc. C'est certain que la police en était informé. C'était une manifestation qui n'avait pas révélé son itinéraire, son trajet. Et je vous demande de deviner combien il y avait de policiers au point de départ. Zéro. Zéro. Il n'y avait aucun policier. Zéro. Nous avons, c'est un record en fait pour les 3 dernières années dans la manifestation du 15 mars. Nous avons, j'ai calculé sur Google Maps, nous avons marché 2,4 km, 20 coins de rue. J'en ai encore mal au mollet. Ça a pris à peu près 5 ou 6 coins de rue pour qu'une voiture patrouille finalement arrive et découvre qu'on existe. Elle a commencé à nous escorter par en arrière en nous déclarant que la manifestation était illégale, mais tolérée tant qu'il n'y aurait pas d'acte criminel posé. Et on me dit que sur les zones de des communications de la police, en fait, cette auto-patrouille en fait appelait des renforts et que le commandement disait « ce n'est qu'une manifestation de femmes, d'enfants et de poussettes, donc ce n'est pas nécessaire ». Donc, vous voyez évidemment que de révéler le trajet est tout à fait accessoire pour la police. C'est pas ça le vrai enjeu. Et de toute façon, quand ils ont commencé en fait à dépêcher des renforts pour nous escorter, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à mettre des voitures, comme ils ont toujours fait depuis des dizaines d'années. Il y avait des voitures sur Saint-Dominique et l'autre rue à l'ouest de Saint-Laurent. Et puis, en fait, ils faisaient simplement diverger la circulation pour nous aider en fait à manifester. Et finalement, quand ils ont enfin réussi à avoir de vrais renforts, c'est-à-dire des unités anti-émeutes et la cavalerie, ils ont ordonné notre dispersion, même s'il n'y avait pas d'acte criminel qui avait été posé, contrairement à ce qu'ils nous avaient dit au départ. Et finalement, comme vous savez peut-être, il y a un petit groupe aussi d'une 20-30aine de personnes qui a manifesté également en solidarité avec les arrêtés. C'était une action déjà prévue, il y avait une bannière, etc. Ce petit groupe, ce qu'on m'a dit, a donné son itinéraire, a répété qu'il le donnait, il le répétait en porte-voix, et ils ont été interdits de manifester. En fait, on les a forcés à aller sur le trottoir. Donc, P6 et l'argument de l'itinéraire n'est qu'une excuse, en fait. Et en fait, le vrai problème, et c'est là-dessus que je veux terminer, c'est la question des arrestations de masse. Il faut qu'à Montréal, en fait, le SPVM arrête de faire des arrestations de masse, que ce soit avec P6 ou avec 500.1 ou avec je ne sais quoi, la loi 101 ou n'importe quoi, que les arrestations de masse soient bannies, en fait, des procédures et des processus d'intervention de la ville de Montréal. Ça fait des années qu'ils procèdent à des arrestations de masse. Pourtant, le Comité des droits de l'homme de l'ONU en 2005 a demandé une enquête publique là-dessus en disant il y a des problèmes de droit, il y a des problèmes très importants dans les arrestations de masse. Même Toronto, après le G20 à Toronto en 2010, la police de Toronto elle-même a reconnu qu'elle ne ferait plus d'arrestations de masse parce que ça pose trop de problèmes juridiques. La Ligue des droits, évidemment, et Liberté a dit qu'il fallait qu'on arrête de faire des arrestations de masse à Montréal. Et pourtant, ça continue en toute impunité. Impunité, évidemment, au niveau du commandement, puisque c'est le commandement lui-même qui décide qu'on fait des arrestations de masse. Mais au niveau politique, c'est-à-dire que nos chefs politiques, à tous les niveaux du gouvernementaux et municipaux, même si ce sont des gens qui viennent, par exemple, du Parti libéral, en principe, un parti qui défend les droits et libertés, trouvent tout à fait normal qu'il y ait des arrestations de masse à répétition, que Montréal soit en fait la capitale internationale des arrestations de masse. Je finis, puisque c'est une conférence de presse, sur les médias. Je pense que les médias ont réellement une responsabilité dans la manière dont on présente ces événements et dont on présente les arrestations de masse. Je n'en peux plus, en fait, de lire ou d'entendre des reportages après des arrestations de masse où les médias nous disent « la manifestation s'est finalement terminée sans violence, il n'y a eu que 200 ou 300 arrestations ». Une arrestation, c'est de la violence, et il faut que les médias soient capables de le comprendre et qu'ils soient capables de le dire à la population. Merci.